naissance. Les stars sont bloc pour retenir, y'a nos mères qui font du mauvais sang. Une enfance à parcours qui ne m'apporte que des emmerdes. Relatant ma vie sur feuille, je ne suis qu'un écrivain en merde. J'écris une main en l'air pour pointer du doigt cette France qui m'exaspère sous son allure de tolérance. C'est à l'errance que je m'exerce quand chez moi c'est la guerre. Sans profit des amis, te coupe la jambe quand t'as un genou à terre. J'ai tout à perdre, ça c'est pas moi car j'ai tout à gagner de péter par mon père. Je dis pas mais chez moi tout à gagner. J'ai mes défauts, je suis comme tout le monde, mais des moments sorcelles, t'avais raison. De compter que sur soi et ton conscience sorcelle, sarcelle, c'est pas ici. Ici c'est pas et placé sans motif. Donc fais pas ta belle gueule en fit. Tu fais la pute sans soutif, t'as pas de soutable. C'est ce qu'on dit. Quand j'ouvrais les palettes, faire chier que je veux mieux que ça. Même si j'en ai pas l'air, les baléares, je les ai vus. Seulement en 16-9e. Cousin, je te le répète, c'est de mon waterman que mes 16 me viennent. Pour la bonne cause, ça nous sert de thérapie. S'te plaît, de quoi tu causes? On pose juste pour ceux qu'on dérapé. C'est rappé pour l'instant, on est parti dans le mauvais sens. Les starting blocks ont retenu, y'a nos mères qui se font du mauvais sang. Pour la bonne cause, ça nous sert de thérapie. S'te plaît, de quoi tu causes? On pose juste pour ceux qu'on dérapé. C'est rappé pour l'instant, on est parti dans le mauvais sens. Les starting pour retenir, y'a nos mères qui font du mauvais sang. Vie dans un monde de dingue ou pour peu de choses. On se retrouve la tombe sous le flingue ou innocent sur la chaise. Y'a plus de sentiments, si ce n'est la cruauté des cœurs en ciment. Dans le corps de la perversité, trop d'actes de folie qui me laissent penser que le marais graisse loin des cours de philo. J'étudie ce monde sans cesse, croyez-moi, je n'y comprends rien. Mes questions sont sans réponse, trop de bâtons dans les rayons. Ce qui fait que l'on avance, plus de pluie des lustres. C'est tout ce que j'ai appris, que la vie nous frustre. C'est tout ce que j'ai compris, à trop se sentir seul. Certains s'accompagnent d'une bouteille, à trop se sentir sale. Certains font durer leur sommeil pour ne jamais se réveiller. Préférant l'au-delà, fuyant la chaleur des UV et le manque de dollars. Alors accordez-nous nos incompréhensions, y'a rien qui se dénoue. Sauf la langue des comprétentieux qui s'habille de belles promesses dans le coup dur de Matignon. Là où les futales se baissent pour une poignée de pognon. S'te plaît, de quoi tu causes? On pose juste pour ceux qu'on dérapé. C'est rappé pour l'instant, on est parti dans le mauvais sens. Les starting blocks ont retenu, y'a nos mères qui font du mauvais sang. Rap pour la bonne cause, ça nous sert de thérapie. S'te plaît, de quoi tu causes? On pose juste pour ceux qu'on dérapé. C'est rappé pour l'instant, on est parti dans le mauvais sens. Les starting blocks ont retenu, y'a nos mères qui font du mauvais sang. Rap pour la bonne cause, ça nous sert de thérapie. S'te plaît, de quoi tu causes? On pose juste pour ceux qu'on dérapé. C'est rappé pour l'instant, on est parti dans le mauvais sens. Les starting blocks ont retenu. S'te plaît, de quoi tu causes? On pose juste pour ceux qu'on dérapé. C'est rappé pour l'instant, on est parti dans le mauvais sens. Les stars sont bloqués pour retenir, y'a nos mères qui font du mauvais sang.